Apparemment, je suis la pépé. Tente ta gueule, va niquer ta mère. Tu m'as pas rien dans la street. Ton vice, on le connaît par cœur. Va te faire baiser, tu m'en parles. Belle exit, tu mets ton parquet. Faut qu'à prendre tes affaires et parquet. J'ai pas sauvé, c'était c'est le cartel. Elle m'a dit que je suis au quartier. Elle a buvé 3 et elle m'a fait. Forcément, je te demande de s'écarter. Pas sans deux spies. Tu me verras jamais sous despé. S'il te plaît, ne me teste pas. Si t'es pas sûr de riposter. Sinon, frérot, tu m'encaisses. T'as, tu fais l'acteur ici, y'a pas de casting. Mais sur ton jeu, c'est plus casse. Toi, on vient pas si c'est pour rouler un. On mangera pas dans la même assiette. Toi et moi, c'est qu'un soir, y'a pas de fuite. Je parle toujours même quand il faut se taire. On m'a encore, y'a des causes pour suivre. Hey, fils de, tu m'as trahi. Toi et moi, c'est plus pareil. Toi et moi, c'est plus pareil. Ma tête, elle est mille. Bénef, Max, Oseille. Eh gros, j'suis dans le test. Demain, j'suis en caisse. RK dans ta caisse. Bye, son bro, fond de la caisse. Eh gros, j'suis dans le test. Demain, j'suis en caisse. RK dans ta caisse. Bye, son bro, fond de la caisse. J'ai pas le temps de parler de l'eau. J'peux faire avoir des audios. J'ai pas dormi la nuit. Pas peur de me faire sous le rire. Et de toute façon, j'suis mes crashs. M'en tape qui viennent barrer. J'ai pas le temps pour les clashs. À risque de devoir arranger. Y'a pas de plus de genre où tout le monde. T'as touché du baraque, mon nom. Tu me passes tout, c'est je rigole. Non, pas de marche arrière, on arrive en boum. Pas de marche arrière, on arrive en boum. À 21h, tu peux marcher. Le lendemain, tu reposes dans ta tombe. Il est pas né celui qui peut marcher. Je réussirai sur la tête, j'y prends. Mon tir pour avoir la paix. Et une tir pour avoir des tasses. Fumée grise, envie sombre. Quand j'écoute mes sons, sons. C'est toi qui es pris pour cible. Et c'est rare que je me trompe. Fils de pute, sur la vallée, puis je vise le but. Trop de mal à temps de marcher. Comme dit chute, c'est que je monte en altitude. Ton attitude. Ouais, je préfère rester silencieux. Le somme que j'ai vu dans tes yeux m'a fait comprendre que tu voulais me voir dans les yeux. Hey, fils de, tu m'as trahi. Toi et moi c'est plus pareil. Ma tête elle humilie. Bénef, Max, Oseille. Eh gros j'suis dans le test. Demain j'suis en caisse. RK dans ta caisse. Bah ils sont gros fond de la caisse. Eh gros j'suis dans le test. Demain j'suis en caisse. RK dans ta caisse. Bah ils sont gros fond de la caisse. J'ai pas le temps de parler de l'offre. J'peux faire avoir des ovos. J'ai pas dormi de la nuit. Par peur de me faire sourire. De toute façon j'suis mes crashs. M'en tape qui viennent barrer. J'ai pas le temps pour les clashs. À risque de devoir arranger. Eh, les vues changent mais pas l'équipe. Eh, la rue la fraise c'est dans mes clips. Ah quand même place à cut là s'il te plaît. Game over. Ouais Chibra. Ça tu comme ref. En direct du 50k là. Je le répète encore une fois hein. Game over.